De Villiers de l'Isle-Adam, extrait du recueil Nouveaux contes cruels, Les amis de pension. Fille de gens riches, Félicienne et Georgette furent insérées, tout enfant, en ce célèbre pensionnat tenu par Mademoiselle Barbe Désagrément. Là, bien que les dernières gouttes de lait de sevrage transparussent encore sur leurs lèvres, une conformité de vue touchant les riens sacrés de la toilette les unit bientôt d'une amitié profonde. Leurs âges similaires, leurs charmes de même genre, la parité d'instruction sagement restreinte qu'elles reçurent ensemble, cimentèrent ce sentiment. D'ailleurs, ô mystère féminin, tout de suite, à travers les brumes de l'âge tendre, elles s'étaient reconnues d'instinct comme ne pouvant se porter ombrage. De classe en classe, elles ne tardèrent pas à notifier par mille nuances de maintien l'estime laïque d'elles-mêmes qu'elles tenaient des leurs. Le seul sérieux avec lequel elles absorbaient leurs tartines au goûter l'indiquait, en sorte que, presque oubliées de leurs proches, elles atteignirent à peu près simultanément la 18e année sans qu'aucun nuage n'eût jamais troublé l'azur de cette sympathie que, d'une part, solidifiait l'exquis terre-à-terre de leur nature et d'autre part, idéalisait, s'il se peut dire, leur honnêteté d'adolescente. Soudainement, la fortune ayant conservé son déplorable caractère versatile et rien n'étant stable ici-bas, même dans les temps modernes, l'adversité survint. Leur famille, radicalement ruinée en moins de 5 heures par le crash, durent les retraire à la hâte de la maison des Agrément, où d'ailleurs l'éducation de ces demoiselles pouvait être considérée comme achevée. On essaya tout aussitôt de les marier, comme suprême ressource par voie d'annonce, la seule risquable sans trop de folie en cette disgrâce. On dut vanter en typographie adamantine leur qualité du cœur, le piquant de leur figure, le montant de leur gentillesse, leur taille, même leur goût réfléchi, leur préférence pour l'intérieur. On alla jusqu'à imprimer qu'elles n'aimaient que les vieillards. Nulle partie ne se présenta. Que faire? Travailler? Cliché peu persuadeur et de pratique malaisée. Une tendance portait, il est vrai, Georgette vers la confection. Quelque chose aussi eût poussé Félicienne vers l'enseignement, mais il eût fallu l'introuvable. Savoir ses premiers débours d'outillage, d'installation, débours que, toujours vu cette friponne d'adversité, leurs parents ne pouvaient plus avancer qu'en rêve. De guerre lasse, toutes deux, ainsi qu'il arrive trop souvent dans les grandes villes, s'attardèrent un même soir, tout à coup, jusqu'au lendemain midi et demi. Alors commença la vie galante. Fête, plaisir, souper, amour, bal, courses et premières. L'on ne voyait plus ses familles que pour offrir de petits services, par exemple des billets de faveur. Quelque argent. En ce tourbillon de poussière dorée, et quoique leurs occupations nouvelles les obligeassent par convenance de vivre séparés, Félicienne et Georgette devaient fatalement se rencontrer. Oui, c'était inévitable. Eh bien, leur amitié, loin de s'atténuer de ce changement d'existence, s'en renforça tout au contraire. En effet, même au plus fort des étourdissements du monde, on aime à se retremper de temps en temps en quelque chose de pur et d'honnête. Et ce quelque chose, elle l'obtenait, entre elles, par le simple échange d'un regard d'autrefois tout chargé des innocents souvenirs de leur jeune âge à l'institution des agréments. Noble et chaste illusion dont l'inaliénable trésor consolidait leur sympathie. L'impression qu'elle puisait en ce respectif regard leur procurait, par son contraste et à volonté, un doucereux piment de mélancolie où toutes deux ressavouraient au moins un arrière-goût de cette estime laïque d'elle-même qui leur était foncière. Bref, chacune en ressentait qu'on n'était pas les premières venues. L'une et l'autre s'étaient bien entendu choisies dès le principe ce qu'on appelle un ami de cœur, cette chose sacrée et sise en soi plus haut que toute question vénale. Lorsqu'en effet on a tant d'acquéreurs, il est si doux de se reposer, de se ressaisir en quelqu'un de gratuit. C'est d'une mode bien touchante. À vrai dire, Georgette non plus que Félicienne surtout ne tenait guère à ses préférés, chacun d'eux n'étant au fond qu'une sorte d'interlope moitié de proxénète, mais tout pesé. Ces deux jeunes boulevardiers, en leur élégance utile, conféraient à nos inséparables un brevet de faiblesse attrayante qui en complétait la séductive morbidesse. Un ami de cœur, en effet, rassoit dans l'opinion toute femme de mœurs un peu libre. On s'entend dire « Comment ? Tu es encore avec un tel ?» Et l'on répond « Que veux-tu ? Je l'aime. » Ce qui montre qu'après tout, l'on n'est pas de bois. Enfin, l'ami de cœur est au moral pour une semi-sérieuse, ce qu'est au physique un joli homme au bras duquel l'on se promène, cela fait partie de la toilette. Or, il advint qu'une fois, par un de ces hasards de fin de souper si fréquents dans la vie brillante, Georgette fut accompagnée au petit matin, chez elle, par le jeune Enguerrand de teste vide, l'ami de cœur de Félicienne, et que celui-ci ne ressortit du dit séjour qu'à l'heure du madère. Toutes circonstances qui furent naturellement relatées le soir même à Félicienne grâce à l'empressement de quelques amis sûrs. La commotion qu'elle en ressentit se résolut d'abord en une syncope. De retour à elle-même, elle ne dit rien, mais sa tristesse fut grande. Elle n'en revenait pas. Quoi ? Sa seule amie, son autre elle-même, lui avait sciemment ravi non pas un de ces messieurs, mais qui ? Celui qui était sacré. L'outrage de cette inattendue perfidie lui semblait trop absurde, trop immérité, trop méprisable pour valoir une colère. Et puis elle ne pouvait s'expliquer que Georgette, même emportée par l'essor d'un hystérique affolement, se fût décidée à faire coup double tant sur leur amitié que sur le commun trésor de si rafraîchissements souvenirs que toutes deux perdaient par suite d'une brouille désormais irréparable. Félicienne en ressentit un vide atroce où se noya jusqu'à l'infidélité d'Enguerrand. Renonçant à comprendre leurs amours, elle les consigna tous les deux à sa porte, sans explication, n'aimant pas le bruit, et la vie continua pour elle moins ce couple d'ombre. Par exemple, la première fois qu'elles se revirent au bois, oh, ce fut d'une froideur. Félicienne fut polaire. Toutes deux étaient en Victoria, seules comme de juste, et incluses au milieu de la file en l'allée des acacias. Félicienne considéra fixement, sans la saluer, son ex-amie qui, chose bizarre, lui souriait avec l'expansion charmante de jadis. Déconcertée de l'attitude de Félicienne, Georgette leva sur elle ses beaux yeux limpides avec un air d'étonnement si sincère que Félicienne en fut frappée. Mais, devant le monde, comment se questionner ? Il fallait se tenir, les deux Victorias se croisèrent, ce fut tout. L'on dut se retrouver encore de temps en temps à différents soupers. Certes, en ces occasions, Félicienne laissait moins que jamais transparaître son ressentiment. Cependant, Georgette, habituée aux inflexions de voix de son amie, ne la reconnaissait plus et semblait ne rien comprendre à cette réserve glaciale. « Mais qu'as-tu donc, Félicienne ? Moi, je suis comme d'habitude. » Et décemment, Georgette ne pouvait pousser plus loin, transformer le souper en explication. « À la longue, la vie va si vite aujourd'hui. » L'insoucieuse inconscience est si grande, les distractions si multiples, et l'on était si toujours en compagnie que l'une et l'autre, durant près de 4 mois, se contentèrent de résumer, chez soi, tous les jours, en quelques soupirs étouffés, suivis d'un ou de diverses pleurs furtifs, le chagrin complexe que ce subit attiédissement causait à leur cœur sensible. Et que par un nonchaloir sans nom, elle ne se donnait même pas la peine d'éclaircir. Au fait, où les aurait menés une explication. Elle eut lieu pourtant. Ce fut après une soirée de cirque. Elle se trouvait seule en un salon particulier de cabaret nocturne, attendant en silence des messieurs qui allaient venir. « Enfin !» s'écria tout à coup Georgette larmoyante, « Veux-tu me dire, oui ou non, ce qui t'a pris contre moi ? Pourquoi me fais-tu cette peine dont je sais bien que tu dois souffrir toi aussi ? Oh ! Tu peux garder ton Enguerrand. Je veux dire monsieur de teste vide, répondit Félicienne d'un ton sec. Vrai, je n'y tenais plus. Seulement tu pouvais choisir mieux. Ou me prévenir qu'il te plaisait. J'eusse avisé. L'on n'enlève pas un amant de cœur à une amie. Je ne sache pas avoir essayé de t'enlever Melchior. Moi ? S'exclama Georgette avec ses yeux de gazelle surprise. Moi ? Je t'ai enlevé ? Et c'est là le motif. Ne nie pas, murmura dédaigneusement Félicienne. Je sais, je suis sûre, tiens, des 4 premières nuits que tu lui as accordées. Mais tu pourrais même dire 6, répondit en souriant Georgette. 6 en tout, par exemple. Vraiment? Et pour un caprice de si belle durée, tu as annulé notre amitié. Mes compliments. Un caprice? Moi? Pour ton amant? Gémissait Georgette, les regards au ciel. Et tu m'as cru capable d'une telle noirceur après plus de 15 ans d'amitié? Mais tu es folle ou tu es devenue méchante? Alors, que signifie ta conduite au bout du compte? Te moques-tu de moi, voyons? Ma conduite? Mais elle est toute simple, ma conduite, et tu le fais exprès de ne pas comprendre à la fin. C'est bien, mademoiselle, dit Félicienne en se levant, très digne. Je n'aime pas les railleries et vous laisse le champ libre. Mais, cria naïvement Georgette, les yeux en larmes, mais il m'a payé, moi. À cette parole, Félicienne tressaillit et se retourna. Sur son joli visage, un rayonnement de joie subite fit comme scintiller la veloutine. « Hein ? » s'écria-t-elle. « Comment, Georgette ? Et tu ne me l'as pas écrit tout de suite ? Dame, pouvais-je croire que tu ne m'avais pas deviné ? Que tu me soupçonnais ? Savais-je même pourquoi tu me battais froid ? Demande-moi vite pardon d'avoir pensé que je pouvais te trahir, vilaine bête, et embrasse ta Georgette. » Elle était dans les bras de son amie qui, maintenant, la contemplait avec tendresse. Toutes deux échangèrent enfin de nouveau ce regard de jadis où l'estime laïque d'elle-même s'évoquait au fort des 1000 souvenirs de l'institution des Agrément. Fière, Félicienne retrouvait son amie toujours digne d'elle. Un peu confuse du malentendu qui les avait un instant désunis, elles se pressaient la main l'une à l'autre sans vaine parole. Séance tenante, en attendant ces messieurs, Félicienne, ayant demandé une carte postale ouverte, écrivit de revenir à Monsieur de Testevide, s'accusant d'avoir été dupe de mauvaise langue. Celui-ci, qui s'était d'abord formalisé, eut le bon goût de ne pas tenir une minute rigueur à la chère Félicienne qui, le lendemain, vers 2 heures, chez elle, ne manqua point de le gronder, par exemple, de son inconduite. « Oh, monsieur !» lui dit-elle, boudeuse, en le menaçant du doigt. « C'est donc vrai que vous allez dépenser tout votre argent chez les filles ?»